chapitre 34e, où le lecteur aura le plaisir de retrouver M. de Beausire tel qu'il l'avait quitté. Il y eut, après ces gracieuses paroles du comte, un moment de silence pendant lequel Cagliostro s'avança jusqu'au milieu de la chambre et jeta un regard scrutateur autour de lui, sans doute pour apprécier la situation morale et surtout pécuniaire des anciennes connaissances au milieu desquelles ces menées terribles et souterraines dont il était le centre le ramenaient inopinément. Le résultat de ce coup d'œil pour un homme aussi perspicace que l'était le comte ne pouvait laisser aucun doute. Un observateur ordinaire eût deviné, ce qui était vrai, que le pauvre ménage en était à sa dernière pièce de 24 sous. Des trois personnages au milieu desquels l'apparition du comte avait jeté la surprise, le premier qui rompit le silence fut celui auquel sa mémoire ne rappelait que les événements de la soirée et auquel, par conséquent, sa conscience n'avait rien à reprocher. « Ah, monsieur, quel malheur !» dit le jeune Toussaint. « J'ai perdu mon louis !» Nicole ouvra la bouche pour établir les faits dans leur vérité, mais elle réfléchit que son silence vaudrait peut-être un second louis à l'enfant, et que ce second louis, ce serait elle qui en hériterait. Nicole ne s'était pas trompée. « Tu as perdu ton louis, mon pauvre enfant, » dit Cagliostro. « Eh bien, voici deux. Tâche de ne pas les perdre cette fois-ci. » Et tirant d'une bourse, dont la rotondité alluma les regards cupides de Beausire, deux autres louis d'or, il les laissa tomber dans la petite main collante de l'enfant. « Tiens, maman, » dit celui-ci courant à Nicole, « en voilà un pour toi et un pour moi. » Et l'enfant partagea son trésor avec sa mère. Cagliostro avait remarqué la ténacité avec laquelle le regard du faux sergent avait suivi sa bourse, qu'il venait d'éventrer pour donner passage aux 48 livres, dans les différentes évolutions qu'elle avait faites depuis la sortie de sa poche jusqu'à sa rentrée. En la voyant disparaître dans les profondeurs de la veste du comte, l'amant de Nicole poussa un soupir. « Et quoi, monsieur de Beausire, » dit Cagliostro, « toujours mélancolique. Et vous, monsieur le comte, toujours millionnaire. Et mon Dieu, vous qui êtes un des plus grands philosophes que j'ai connus, tant dans les derniers siècles que dans l'Antiquité, vous devez connaître cet axiome, qui fut un honneur à toutes les époques, l'argent ne fait pas le bonheur. Je vous ai connu riche, relativement. « Oui, » répondit Beausire, « c'est vrai. » J'ai eu jusqu'à 100 000 francs. C'est possible. Seulement à l'époque où je vous ai retrouvé, vous en aviez déjà mangé 40 000 à peu près. De sorte que vous n'aviez plus que 60 000. Ce qui, vous en conviendrez, était une somme assez ronde pour un ancien exempt. Beausire poussa un soupir. Qu'est-ce que 60 000 livres, dit-il, comparé aux sommes dont vous disposez, vous? À titre de dépositaire, monsieur de Beausire, car si nous comptions bien, je crois que ce serait vous qui seriez Saint-Martin, et moi qui serais le pauvre, et que vous seriez obligé, pour ne pas me laisser geler de froid, de me donner la moitié de votre manteau. Eh bien, mon cher monsieur de Beausire, rappelez-vous les circonstances dans lesquelles je vous ai rencontré. Vous aviez alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près 60 000 livres dans votre poche. En étiez-vous plus heureux ? Beausire poussa un soupir rétrospectif qui pouvait passer pour un gémissement. Voyons, répondez. Insista Cagliostro. Voudriez-vous changer votre position actuelle, quoique vous ne possédiez que ce malheureux louis que vous avez pris au jeune Toussaint? Monsieur, interrompit l'ancien exempt, ne nous fâchons pas, monsieur de Beausire. Nous nous sommes fâchés une fois et vous avez été forcé d'aller chercher dans la rue votre épée qui avait sauté par la fenêtre. Vous le rappelez-vous? Vous le rappelez, n'est-ce pas? Continua le comte, qui s'apercevait que Beausire ne répondait point. « C'est déjà quelque chose d'avoir de la mémoire. Eh bien, je vous le demande encore. Voudriez-vous changer votre position actuelle, quoique vous ne possédiez que ce malheureux louis que vous avez pris au jeune Toussaint ?» Cette fois, l'allégation passa sans récrimination contre la position précaire dont je suis heureux d'avoir contribué à vous tirer. « Non, monsieur le comte, » dit Beausire. « En effet, vous avez raison. Je ne changerai pas. Hélas, à cette époque, j'étais séparé de ma chère Nicole. » Et puis, légèrement traqué par la police à propos de votre affaire du Portugal. Que diable est devenue cette affaire, monsieur de Beausire? Vilaine affaire, autant que je puis me le rappeler. Elle est tombée à l'eau, monsieur le comte, répondit Beausire. Ah, tant mieux, car elle devait fort vous inquiéter. Cependant, ne comptez pas trop sur cette noyade. Il y a de rudes plongeurs à la police. Et si trouble ou si profonde que soit l'eau, une vilaine affaire est toujours plus facile à pêcher qu'une belle perle. « Enfin, monsieur le comte, sauf la misère à laquelle nous sommes réduits, vous vous trouvez heureux, de sorte qu'il ne vous faudrait qu'un millier de louis pour que ce bonheur fût complet. » Les yeux de Nicole brillèrent, ceux de Beausire jetèrent des flammes. « C'est-à-dire, s'écria ce dernier, que si nous avions 1 000 louis, c'est-à-dire que si nous avions 24 000 livres, nous achèterions une campagne avec la moitié de la somme. Avec l'autre, nous nous constituerions quelques petites rentes et je me ferais laboureur. Comme ça, Signatus. Tandis que Nicole se livrerait tout entière à l'éducation de notre enfant. Comme Cornélie. Mordieu, monsieur de Beausire. Non seulement ce serait exemplaire, mais encore ce serait touchant. Vous n'espérez donc pas gagner cela dans l'affaire que vous menez en ce moment ? Beausire tressaillit. « Quelle affaire ? » demanda-t-il. « Mais l'affaire où vous vous produisez comme sergent aux gardes ? L'affaire, enfin, pour laquelle vous avez rendez-vous, ce soir, sur les arcades de la place royale ?» Beausire devint pâle comme un mort. « Oh, monsieur le comte, » dit-il en joignant les mains d'un air suppliant. « Quoi ? Ne me perdez pas. Bon, voilà que vous divaguez à présent. Est-ce que je suis le lieutenant de police pour vous perdre ? Là, je te l'avais bien dit. » C'est qu'un Nicole, que tu te fourrais dans une mauvaise affaire. Ah, vous la connaissez, cette affaire, mademoiselle Leguet ? Demanda Cagliostro. Non, monsieur le comte, mais c'est pour cela. Quand il me cache une affaire, c'est qu'elle est mauvaise, je puis être tranquille. Eh bien, en ce qui concerne celle-ci, chère demoiselle Leguet, vous vous trompez. Elle peut être excellente, au contraire. Ah, n'est-ce pas ? S'écria Beausire. Monsieur le comte est gentilhomme. Et monsieur le comte comprend que toute la noblesse est intéressée. À ce qu'elle réussisse. Il est vrai que tout le peuple de son côté est intéressé à ce qu'elle échoue. Maintenant, si vous m'en croyez, mon cher monsieur de Beausire, vous comprenez, c'est un conseil que je vous donne, un vrai conseil d'ami. Eh bien, si vous m'en croyez, vous ne prendrez parti ni pour la noblesse ni pour le peuple. Mais pour qui prendrais-je parti alors ? Pour vous, pour moi. Et sans doute pour toi, dit Nicole. Pardieu, tu as assez pensé aux autres, il est temps de penser à toi. Vous l'entendez, elle parle comme Saint Jean Bouche d'Or. Rappelez-vous ceci, monsieur de Beausire, toute affaire a un bon et un mauvais côté, bon pour les uns, mauvais pour les autres. Une affaire, quelle qu'elle soit, ne peut être mauvaise pour tout le monde ou bonne pour tout le monde. Eh bien, il s'agit uniquement de se trouver du bon côté. Ah, et il paraîtrait que je ne suis pas du bon côté, hein ? Pas tout à fait, monsieur de Beausire. Non, il s'en faut du tout au tout. J'ajouterai même que si vous vous y entêtez, vous savez que je me mêle de faire le prophète, j'ajouterai même que si vous vous y entêtez, cette fois, ce ne serait pas risque de l'honneur, ce ne serait pas risque de la fortune que vous pourriez, ce serait risque de la vie. Oui, vous seriez probablement pendu. Monsieur, dit Beausire en tâchant de faire contenance, mais en essuyant la sueur qui roulait sur son front, on ne prend pas un gentilhomme. C'est vrai. Mais pour obtenir d'avoir la tête tranchée, cher monsieur de Beausire, il faudrait faire vos preuves, ce qui serait long, peut-être. Assez long, pour ennuyer le tribunal, qui pourrait bien ordonner provisoirement que vous fussiez pendu. Après cela, vous me direz que, quand la cause est belle, peu importe le supplice. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Comme a dit un grand poète. Cependant, balbutia Beausire de plus en plus effaré. Oui, cependant. Vous n'êtes pas tellement attaché à vos opinions que vous leur sacrifiez votre vie. Je comprends cela, diable. On ne vit qu'une fois, comme dit un autre poète moins grand que le premier, mais qui néanmoins pourrait bien avoir raison sur lui. Monsieur le comte, dit enfin Beausire, j'ai remarqué pendant le peu de relations que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous que vous possédez une façon de parler des choses qui ferait dresser les cheveux sur la tête d'un homme timide. Diable, ça n'est pas mon intention. Fit Cagliostro. D'ailleurs, vous n'êtes pas un homme timide, vous. Non, répondit Beausire, il s'en faut même. Cependant, il y a certaines circonstances. Oui, je comprends. Par exemple, celle où l'on a derrière soi les galères pour vol, et devant soi la potence pour crime de lèse-nation, comme on appellerait aujourd'hui un crime qui, je suppose, aurait pour but d'enlever le roi. Monsieur, monsieur, s'écria Beausire, tout épouvanté. Malheureux, fit Oliva. « C'était donc sur cet enlèvement que tu bâtissais tes rêves d'or ?»« Et il n'avait pas tout à fait tort, ma chère demoiselle. Seulement, comme j'avais l'honneur de vous le dire tout à l'heure, il y a à chaque chose un bon et un mauvais côté, une face éclairée et une face sombre. M. de Beaucire a eu le tort de caresser la face sombre, d'adorer le mauvais côté. Qu'il se retourne, voilà tout. Est-il encore temps ? Demanda Nicole. Oh, certainement. Que faut-il que je fasse, monsieur le comte ? Demanda Beaucire. Supposez une chose, mon cher monsieur, dit Cagliostro en se recueillant. Laquelle ? Supposez que votre complot échoue. Supposez que les complices de l'homme masqué et de l'homme au manteau brun soient arrêtés. Supposez, il faut tout supposer dans le temps où nous vivons. Supposez qu'ils soient condamnés à mort. Eh mon Dieu, on a bien quitté Besenval et Ojard, voyez qu'on peut tout supposer. Supposez que ses complices soient condamnés à mort. Supposez, ne vous impatientez pas. De supposition en supposition, nous arriverons à un fait. Supposez que vous soyez un de ses complices. Supposez que vous ayez la corde au cou et que l'on vous dise, pour répondre à vos doléances, car en pareille situation, si courageux qu'il soit, et mon Dieu, un homme se lamente toujours peu ou prou, n'est-ce pas ? Achevez, monsieur le comte, je vous en supplie. Il me semble déjà que j'étrangle. Par Dieu, ce n'est pas étonnant. Je vous suppose la corde au cou. Eh bien, supposez qu'on vienne vous dire, ah, pauvre monsieur de Beaucire, cher monsieur de Beaucire, c'est votre faute. Comment cela ? S'écria Beaucire. Là, vous voyez bien que de supposition en supposition, nous arrivons à une réalité, puisque vous me répondez à moi comme si déjà vous en étiez là, je l'avoue. Comment cela ? Vous répondrez la voix. Parce que non seulement vous pouviez échapper à cette malmort qui vous tient en ses griffes, mais encore gagner 1000 louis avec lesquels vous eussiez acheté cette petite maison aux charmilles vertes, où vous désiriez vivre en compagnie de Mademoiselle Oliva et du petit Toussaint, de 500 livres de rente. Que vous vous fussiez constitué avec les 12 000 livres qui n'eussent point été employés à l'achat de la maison. Vivre, comme vous le disiez, en bon cultivateur, chaussé de pantoufles l'été et de sabots l'hiver. Tandis qu'au lieu de ce charmant horizon, nous avons là, vous surtout, devant les yeux la place de Grève, plantée de 2 ou 3 vilaines potences dont la plus haute vous tend les bras. Pouah, mon pauvre monsieur de Beaucire, la laide perspective. Mais enfin, comment aurais-je pu échapper à cette malmort ? Comment aurais-je pu gagner ces 1000 louis qui assuraient ma tranquillité, celle de Nicole et celle de Toussaint ? Demanderiez-vous toujours, n'est-ce pas ? Rien de plus facile, répondrait la voix. Vous aviez là, près de nous, à 2 pas, le comte de Cagliostro. Je le connais, répondriez-vous. Un seigneur étranger qui habite Paris pour son plaisir et qui s'y ennuie à pâmer quand il manque de nouvelles. C'est cela même. Eh bien, vous n'aviez qu'à aller le trouver et lui dire « Monsieur le comte ». Mais je ne savais pas où il demeurait, s'écria Beaucire. Je ne savais pas qu'il fût à Paris, je ne savais pas même qu'il vécût encore. Aussi, mon cher monsieur de Beaucire, vous répondrait la voix, c'est pour cela qu'il est venu vous trouver, et du moment qu'il est venu vous trouver, convenez-en, là vous n'avez plus d'excuses. Eh bien, vous n'aviez qu'à lui dire « Monsieur le comte, je sais combien vous êtes friand de nouvelles. J'en ai des plus fraîches. » Monsieur, frère du roi, conspire. Bon. Oui, avec le marquis de Fabras. Pas possible. Si fait. J'en parle savamment, puisque je suis un des agents de monsieur de Fabras. Vraiment ? Et quel est le but du complot ? D'enlever le roi et de le conduire à Péronne. Eh bien, monsieur le comte, pour vous distraire, je vais, heure par heure, si vous le désirez, minute par minute, s'il le faut, vous dire où en est l'affaire. Alors, mon cher ami, le comte, qui est un seigneur généreux, vous eût répondu. « Voulez-vous réellement faire cela, monsieur de Beaucire ?»« Oui. Eh bien, comme toute peine mérite salaire, si vous tenez la parole donnée, j'ai là, dans un coin, 24 000 livres que je comptais employer à une bonne action. Ma foi, je les passerai à ce caprice, et le jour où le roi sera enlevé ou monsieur de Fabras pris, vous viendrez me trouver. Et foi de gentilhomme, les 24 000 livres vous seront remises, comme vous seront remis ces 10 louis, non pas à titre d'avance, non pas à titre de prêt, mais à titre de simple don. » Et à ces paroles, comme un acteur qui répète avec les accessoires, le comte de Cagliostro tira de sa poche la pesante bourse et introduisit le pouce et l'index, et avec une dextérité qui témoignait de son habitude à ce genre d'exercice, il y pinça juste 10 louis, ni plus ni moins, que de son côté, Beaucire, il faut lui rendre cette justice, avança la main pour recevoir. Cagliostro écarta doucement cette main. « Pardon, monsieur de Beaucire, dit-il. Nous faisions, je crois, des suppositions ?»« Oui, mais, dit Beaucire, dont les yeux brillaient comme deux charbons ardents, n'aviez-vous pas dit, monsieur le comte, que de supposition en supposition, nous arriverions au fait. Y sommes-nous arrivés ? Bossy hésita un moment. Hâtons-nous de dire que ce n'était pas l'honnêteté, la fidélité à la parole donnée, la conscience soulevée qui causait cette hésitation. Nous l'affirmerions que nos lecteurs connaissent trop bien M. de Bossy pour ne pas nous donner un démenti. Non, c'était la simple crainte que le comte ne tint pas sa promesse. « Mon cher monsieur de Beaucire, dit Cagliostro, je vois bien ce qui se passe en vous. »« Oui, répondit Beaucire, vous avez raison, monsieur le comte, j'hésite à trahir la confiance qu'un galant homme a mise en moi. » Élevant les yeux au ciel, il secoua la tête comme quelqu'un qui se dit « Ah, c'est bien dur !»« Non, ce n'est pas cela, reprit Cagliostro, et vous mettez une nouvelle preuve de la vérité de cette parole du sage, l'homme ne se connaît pas soi-même. » « Et qu'est-ce donc ? Demanda Beaucire, un peu ébouriffé de cette facilité qu'avait le comte de lire jusqu'au plus profond des cœurs. « C'est que vous avez peur qu'après vous avoir promis les 1000 louis, je ne vous les donne pas. »« Oh, monsieur le comte, et c'est tout naturel. Je suis le premier à vous le dire, mais je vous offre une caution. »« Une caution ? Monsieur le comte n'en a certes pas besoin. »« Une caution qui répondra de moi corps pour corps. » « Et quelle est cette caution ? » demanda timidement Beaucire. « Mademoiselle Nicole Oliva Le Guay. »« Oh ! » s'écria Nicole. « Si monsieur le comte nous promet, le fait est que c'est comme si nous tenions Beaucire. »« Voyez, monsieur, voyez ce que c'est que de remplir scrupuleusement les promesses qu'on a faites. Un jour que mademoiselle était dans la situation où vous êtes, moins le complot, c'est-à-dire un jour que mademoiselle était fort recherchée par la police, je lui fis une offre. C'était de venir prendre en retraite chez moi. » Mademoiselle hésitait. Elle craignait pour son honneur. Je lui donnai ma parole et malgré toutes les tentations que j'eus à subir, et que vous comprendrez mieux que personne, je l'ai tenue, monsieur de Beaucire. Est-ce vrai, mademoiselle ? Oh, cela ! S'écria Nicole, sur notre petit Toussaint, je le jure. Vous croyez donc, mademoiselle Nicole, que je tiendrai la parole que j'engage aujourd'hui à monsieur de Beaucire, de lui donner 24 000 livres, le jour où le roi aura pris la fuite, ou le jour que M. de Favras sera arrêté. Sans compter, bien entendu, que je desserre ce nœud coulant qui vous étranglait tout à l'heure, et qu'il ne sera plus jamais question pour vous ni de corde ni de potence, à propos de cette affaire, du moins. Je ne réponds pas au-delà. Un instant, entendons-nous bien. Il y a des vocations. C'est-à-dire, monsieur le comte, répondit Nicole, que pour moi, c'est comme si le notaire y avait passé. Eh bien, ma chère demoiselle, dit Cagliostro, en alignant sur la table les 10 louis qu'il n'avait point lâchés, faites passer votre conviction dans le cœur de M. de Beaucire et c'est une affaire conclue. » Et de la main, il fit signe à Beaucire d'aller causer un instant avec Nicole. La conversation ne dura que 5 minutes, mais il est juste de dire que pendant ces 5 minutes, elle fut des plus animées. En attendant, Cagliostro regardait à la chandelle le carton piqué et faisait des mouvements de tête comme pour saluer une vieille connaissance. « Ah, dit-il, c'est la fameuse martingale de M. Lowe que vous avez retrouvée là ? J'ai perdu 1 000 000 sur cette martingale. » Et il laissa négligemment retomber la carte sur la table. Cette observation de Cagliostro parut donner une nouvelle activité à la conversation de Nicole et de Beaucire. Enfin, Beaucire parut décidé. Il vint à Cagliostro la main étendue, comme maquignon qui veut conclure un indissoluble marché. Mais le comte se recula en fronçant le sourcil. « Monsieux, dit-il, entre gentilshommes, la parole vaut le jeu. Vous avez la mienne, donnez-moi la vôtre. » Foi de Beaucire, monsieur le comte, c'est convenu. Cela suffit, monsieur, dit Cagliostro, puis tirant de son gousset une montre sur laquelle était le portrait du roi Frédéric de Prusse, enrichi de diamants. Il est 9h15, monsieur de Beaucire, dit-il. À 9h précises, vous êtes attendu sous les arcades de la place royale, du côté de l'hôtel Sully. Prenez ces 10 louis, mettez-les dans la poche de votre veste, endossez votre habit, saignez votre épée, passez le pont Notre-Dame et suivez la rue Saint-Antoine. Il ne faut pas vous faire attendre. » Beaucire ne se le fit pas dire deux fois. Il prit les 10 louis, les mit dans sa poche, endossa son habit et saignit son épée. « Où retrouverai-je, monsieur le comte ? » ?»« Au cimetière Saint-Jean, s'il vous plaît. Quand on veut, sans être entendu, causer d'affaires pareilles à celle-ci, mieux vaut en causer chez les morts que chez les vivants. » « Et à quelle heure ? » ?»« Mais à l'heure que vous serez libre. » Le premier venu attendra l'autre. Monsieur le comte a quelque chose à faire, demanda Beaucire avec inquiétude en voyant que Cagliostro ne s'apprêtait pas à le suivre. Oui, répondit Cagliostro. J'ai à causer avec mademoiselle Nicole. Beausire fit un mouvement. « Oh, soyez tranquille, cher monsieur de Beausire. J'ai respecté son honneur quand elle était jeune fille. À plus forte raison, le respecterai-je quand elle est mère de famille. Allez, monsieur de Beausire, allez. » Beausire jeta un regard à Nicole, regard dans lequel il sembla lui dire « Madame de Beausire, soyez digne de la confiance que j'ai en vous. » Il embrassa tendrement le jeune Toussaint, salua avec un respect mêlé d'inquiétude le comte de Cagliostro et sortit, juste comme l'horloge de Notre-Dame sonnait les trois quarts avant 9 heures.